plaisir de vous retrouver. Ouh, je sors un petit peu fort. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, je pense, mais je vais descendre un petit peu le micro parce que ça me m'éclate les oreilles. Bon, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 651. Nous sommes le 22 octobre et aujourd'hui nous sommes dans un monde parallèle. Un monde dans lequel vivent encore John Lennon et George Harrison. Et comme ils connaissent la saga des Fab Four, ils privilégient Bordeaux et ils font un concert qui a été mis en vente seulement avant-hier, et c'est déjà parti, le stade est archi plein. Un concert, alors improvisé peut-être pas, mais un concert de John, Paul, Ringo et George, pour le plaisir avec un ou deux invités quand même. C'est la saga des Fab Four de ce soir, 2 heures de John, Paul, Ringo et George, à leur meilleur, en live. Et seul RG a obtenu les droits pour pouvoir faire cette émission-là. Bref, on se retrouve dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir en parler. Et je vous souhaite une excellente soirée avec ce nouveau concert qui va être bien ou très bien ou extraordinaire. Pas moins que ça. S'ouvre, les lumières s'allument. John, Paul, Ringo et George sont là. 80 octogénaires, 80 années de moyenne et plus d'ailleurs, même, puisque le plus jeune c'est George Harrison. Et ça a l'air d'être John Lennon qui commence, puisqu'on entend les chœurs qui font Power to the People. Bonne soirée sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles.

It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. Sisterhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Entendu cette écoute quasiment religieuse du public pour cette belle chanson Imagine, sortie en 1971 et que malheureusement Maman, alias Yoko Ono, revendique comme étant comme ayant participé à cette chanson-là. Ouais, admettons, mais non, c'est du grand Lennon ça, du grand John Lennon. Ah ça, c'est du grand Paul McCartney, enfin. Best Friend, si vous vous souvenez, du temps où vous étiez un peu fâché. Ils se regardent en rigolant, c'est un bon blues et c'est sur RG. Just a little baby boy. Every night I would call home, because your number brought me joy, sweet joy. I would jump on. dans un monde parallèle dans lequel John, Paul, George et Ringo sont tous en vie et ont décidé de faire un concert à Bordeaux dans lequel RIG a l'exclusivité seulement dans le monde entier pour les droits de diffusion. Donc nous sommes à ce concert et ça se passe très très très très bien. Je reconnais maintenant Magneto and Titanium Man. Nous sommes toujours avec Paul McCartney. Pour l'instant, ce concert, vous avez écouté depuis le début, puisque là, il marque une petite pause, c'est normal. Il y a un petit bout de Power to the People avec New York City, chanté par John. Il y a eu Roll Over Beethoven par George. Il y a eu Boys par Ringo. Revenu sur le devant de la scène, John Lennon avec Come Together, puis Imagine. Il y a quelques minutes, Best Friend par Paul McCartney et Call Me Back Again, ajouté à Magneto and Titanium Man. Que nous réservent ces quatre octogénaires qui ont vraiment, vraiment la forme physique et vocale, vous l'entendez bien? Oui, bien, c'est maintenant, dans la saga des Fab Four, que vous allez le découvrir. Treasure these blue words till we're together. pas mal cette tentative de relier deux chansons entre elles, PS I Love You et Love Me Do. Le style fait assez années 90, mais bon, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on reviendrait du côté des Beatles? Ah oui. Oui, Paul Simon vient de rentrer et il se met à côté de George Harrison pour chanter apparemment Here Comes the Sun. Avec son pote Eric Clapton à la guitare. Que c'est bon, ces chansons-là. While My Guitar Gently Weeps sur RG. Et George Harrison qui remercie Eric Clapton. Vous êtes bien sur RG, c'est la saga des Fab Four numéro 651. Et le thème de cette soirée, c'est tout simplement que nous sommes dans une dimension parallèle dans laquelle John, Paul, Ringo et George sont toujours vivants et nous proposent ici ce soir sur RG, en fait au Stade Bordelais, parce qu'RG est trop petit pour accueillir tout le monde, un concert qui n'a été affiché qu'il y a deux jours, qui est été vendu en une bouchée de pain. C'est certainement des Bordelais et quelques privilégiés qui ont pu réussir à y aller. Et bien, ce concert fonctionne très très bien, puisque déjà 48 minutes de concert, ils ne sont pas fatigués et ils vont même continuer de plus belle avec, oh ça c'est, je reconnais, Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur RG. Vous nous écoutez de loin, hein. Il y a Cyril depuis... Où est-ce qu'il appelle depuis Lanzarote ? Je ne sais plus, attendez, bougez pas, restez là, pendant, on va marquer une... Oui, Lanzarote, depuis Lanzarote, c'était à quelques heures d'avion d'ici, et qui nous dit ça bouge ce soir. Et oui, ça bouge. Vous avez jusqu'à présent écouté des chansons chantées par John, chantées par un tout petit peu par Ringo, mais très peu, par George en tout cas, par Paul, mais Ringo en vedette, eh bien, et nous le manquait, le voici. And it's called Memphis in Your Mind. Memphis in Your Mind par Ringo Starr, et c'est sur RG. I've lost before I ever stopped. just walked right out the door. I want her back and nothing more. Her note fell on the bedroom floor. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts. I'd give it all away to find a friend. Can turn. Some people live but never learn. I can make a brand new start. Four guys wrote that song. Put any four guys together trying to write a song and it's all sob stories. Anyway, this next song was written in the 60s, of course. And it's called Octopus's Garden. But the long, long, drawn-out story is, you know, we were doing the White Album, the Beatle Buddies. La chanson suivante, donc, c'est Octopus's Garden. On faisait l'album blanc. Let's milk it for all we can get. And it just was one of those times in my life, and we were making this album, and I just felt that the other three were really friendly. Et c'est un de ces moments dans ma vie où j'avais l'impression que tous les trois autres étaient vachement copains entre eux, alors que moi, non. So anyway, I couldn't take the pain anymore, so... Alors, je ne pouvais plus supporter la douleur. Je suis allé chez un. J'ai dit, je quitte le groupe parce que vous êtes tous très proches, alors que moi, non. Et l'autre répond, je croyais que c'était vous trois. Et il est allé chez Paul, il a tapé à la porte. J'ai l'impression que vous trois, vous êtes vachement, vachement proches, alors que moi, non. Et Paul répond, je croyais que c'était vous trois. So I said, I'm going on holiday. Bon, bah, je vais en vacances. So I went on holiday to Sardinia. Je suis parti en vacances en Sardaigne. Just by chance, some guy lent us his boat. Et il y a un gars qui louait un bateau. And we're on the boat, so we're with the kids, and I said to the captain, I'd like some fish and chips for lunch. alors qu'il était sur le bateau, il a dit, j'ai envie des fish and chips, du poisson et des frites, comme en Angleterre. Et il lui a proposé. We recognized the chips, the French fries,

Quel match. George Harrison et Eric Clapton. This song is another song from one of those albums I made since I left the Rolling Stones. Cette chanson, c'est une autre chanson que j'ai faite dans un album depuis que j'ai quitté les Rolling Stones. And a lot of people thought it was just about my parents. Beaucoup de gens pensaient que c'était à propos de mes parents. Mais 99% ont des parents vivants ou morts. Donc c'est pour tout le monde. Mother, you had me. I never had you. You didn't want me. No. So I

wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Wanna be your man. Stones, donc, à bien se tenir. C'était le premier 45 tours des Rolling Stones grâce aux Beatles, mesdames, messieurs. Peace and love, tout à fait. Suivant, s'il vous plaît, c'est bientôt la fin déjà. Qu'est-ce que ça passe vite. 2 heures de concert et c'est seulement sur RG. Vous connaissez Got My Mind Set On You sur RG. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. Un hit pour George Harrison en 1987. Et pourtant, c'est une reprise. Quelle belle chanson, Got My Mind Set On You, de Monsieur George Harrison. Vous vous souvenez de celle-là? Avec la boîte à rythme et tout ça. Good night, tonight. Ah oui, c'est pratiquement l'heure. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Sa superbe émission. Pour l'instant, on termine le concert. Don't say it. Don't say it. Don't say anything. Don't say goodnight. Don't say it. Don't say it. Say anything. It blows my mind. Because the wind is high. Oh, love is old, love is new. était très très original. À mon avis, c'est la dernière chanson. On va déborder un petit peu, Eric, mais à peine, à peine. So we sailed into the sun till we found the sea of dreams, and we played beneath the waves in our yellow submarine. And what usually happens after that song, we, the band and myself, we run off and we hide in a dark corner over there. And I'm just not going to do it anymore. You know, we're back, we know we're coming back, you know we're coming back. But what happens is we usually come back when you, the audience, have made a lot of noise. So let's hear it. Here we are coming back. Because we're so... À la prochaine. On a réussi. Et on en revient aussi. Bon, merci pour tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis rapide parce que Eric est impatient de faire son émission. À très, très bientôt. Salut, bisous filles. Poignez une main aux garçons. Restez sages, prenez le soleil. Et puis, faites gaffe à vous. À bientôt. Ciao.